Bonjour et bienvenue sur Dimension 11, le podcast dédié à tous les passionnés de science. Dans une vidéo publiée le 11 janvier dernier, Michio Kaku parlait de l'expérience Opéra qui a détecté des neutrinos dépassant la vitesse de la lumière. Voici ce qu'il expliquait. L'annonce faite par l'équipe de l'expérience Opéra en septembre dernier a fait beaucoup de bruit car elle mettait en cause la théorie de la relativité d'Einstein, qui avec la mécanique quantique constitue la base de la physique moderne. Dans cette expérience, des neutrinos en provenance du CERN traversent une distance de 730 km pour arriver au laboratoire de Grande Sasso en Italie. Ces neutrinos arrivent 60 nanosecondes plus rapidement que la vitesse de la lumière. Cela ne semble pas si important que ça, mais pour les physiciens, c'est un désastre. Si ce résultat était confirmé, cela remettrait en cause la théorie de la relativité d'Einstein et donc les fondations mêmes de la physique moderne. Premièrement, cela signifierait que le voyage dans le passé pourrait devenir possible. Lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Et si l'on dépasse la vitesse de la lumière, on remonte dans le temps. Deuxièmement, cela nous obligerait à tout recalibrer. L'âge de l'univers, l'âge des étoiles, les distances des étoiles, les bases de l'électronique moderne devraient être modifiées, les GPS, les armes nucléaires, etc. Quelle est la solution au problème? La solution est qu'ils ont certainement commis une erreur. À l'époque où il était étudiant à Harvard, Michio Kaku avait comme professeur Robert Pound, célèbre pour une expérience qui permet de calculer la vitesse de la lumière. Deux groupes d'étudiants qui avaient réalisé l'expérience obtenaient un résultat différent. Le deuxième groupe avait détecté un accroissement de la vitesse de la lumière au cours de la matinée, un maximum à midi, un ralentissement dans l'après-midi suivi d'un minimum à minuit. Quel était le problème? Le problème était que l'expérience du deuxième groupe avait été réalisée en extérieur et que les capteurs étaient sensibles à la température. Et évidemment, il fait plus chaud à midi qu'à minuit. L'expérience du premier groupe, elle, était faite en intérieur et les résultats ne comprenaient pas ce genre de variation. La leçon de cette histoire est que les erreurs systématiques peuvent s'insérer dans des calculs extrêmement délicats. On a déjà pu détecter que la lumière d'une supernova située à 168 000 années-lumière de la Terre frappait la Terre en même temps que les neutrinos. Alors pourquoi devrait-on avoir plus confiance en une expérience faite sur une distance de 730 km quand une autre expérience réalisée sur une distance d'une centaine de milliers d'années-lumière détecte une arrivée simultanée de la lumière et des neutrinos? C'est pour cette raison que de nombreux physiciens pensent qu'il doit y avoir une erreur systématique quelque part. Comment pouvons-nous savoir que la distance entre le CERN et l'expérience Opéra est de 730 km? Grâce au système GPS, évidemment. Mais le GPS est un système relativiste. En fait, on pourrait dire qu'ils utilisent la relativité pour rejeter la relativité. Il y a comme quelque chose de circulaire là-dedans. Le 22 février, la revue Science a annoncé que l'écart de 60 nanosecondes proviendrait d'une mauvaise connexion entre un câble de fibre optique et une carte électronique. Dans un communiqué qui a suivi, la collaboration Opéra a expliqué qu'il y avait en fait deux sources possibles d'erreurs qui pointaient dans deux directions opposées et que leur examen était en cours. Il va encore falloir attendre un peu avant d'obtenir une réponse définitive.